écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. La guerre dans la peau. Texte choisi par Michel Pomarède. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Premier épisode. La guerre, c'est celle que les Américains ont menée en Irak entre 2003 et 2011. La peau, c'est celle des combattants, bien sûr, mais aussi des aumôniers, logisticiens ou membres des affaires mortuaires. Tous transpirent les combats, les explosions, la mort des insurgés et des compagnons d'armes, mais aussi l'attente, la peur, l'ennui. Rentrés au pays, les soldats s'aperçoivent que la guerre est rentrée avec eux. Cauchemar, pensées morbides, dégoût. La guerre n'est pas circonscrite à un lointain théâtre des opérations. La guerre habite dans leur banlieue proprette. Elle loge dans leur crâne, sous leurs ongles, dans leur peau. Les vétérans se croyaient aguerris. Ils sont devenus incurables. C'est cette maladie qui ronge le cœur des hommes sous l'uniforme, qui résonne dans ce cœur de voix. Septembre 2004. Province de Ninive au nord-ouest de l'Irak. Le sergent John Sterling patrouille avec les soldats Daniel Murphy et John Bartle. C'est John Bartle qui parle. Nous étions arrivés dans le bâtiment aux premières heures de la bataille. Alors que le croissant de lune s'élevait dans le ciel, il n'y avait aucune lumière allumée. Nous défonçâmes un portail en fer brinque-ballant, autrefois peint en rouge et à présent rouillé. Il était devenu difficile de distinguer la peinture de la rouille. Une fois la rampe d'accès de notre véhicule baissée, nous sortîmes et nous précipitâmes vers les entrées. Quelques soldats de la première brigade coururent vers l'arrière, et le reste de l'unité se rassembla devant. Nous enfonçâmes les deux portes simultanément et pénétrâmes à l'intérieur en courant. L'édifice était vide. Tandis que nous parcourions chaque pièce, les lampes fixées sur nos fusils dessinaient dans l'obscurité d'étroits rayons de lumière, dont l'intensité n'était pas suffisante pour distinguer quoi que ce fût. Nous n'éclairions que la poussière que nous soulevions. Dans certaines pièces, des chaises étaient renversées et des tapis colorés pendaient aux fenêtres sans carreaux. Il n'y avait personne. Parfois, nous pensions distinguer une présence et hurlions dans le vide l'ordre de se coucher par terre. Nous traversâmes ainsi toutes les pièces jusqu'au toit. Une fois là-haut, nous observâmes le champ plat et poussiéreux, et au-delà, la masse noire de la ville. Le premier jour, à l'aube, notre interprète, Malik, nous rejoignit et s'assit près de moi. J'étais appuyé contre le muret. Le ciel, d'un blanc opaque, tel un ciel de neige, donnait l'impression que le jour s'était levé, mais ce n'était pas le cas. Nous entendions les combats qui faisaient rage dans la ville, mais autour de nous, tout était calme. Seuls les bruits lointains des roquettes, des mitrailleuses et des hélicoptères qui plongeaient presque à la verticale nous rappelaient que nous étions en guerre. « C'est mon ancien quartier », me dit Malik. Son anglais était exceptionnel. Sa voix avait des sonorités gutturales, mais ce n'était pas désagréable. Je lui ai souvent demandé de m'aider à prononcer correctement les rudiments d'arabe que je connaissais. « Shukran. Shukran. Ah, de rien. Afwan. » Shukran, Malik. Et continue à m'apprendre. Mon ami, j'ai besoin de parler ta langue, moi aussi. Faut que je pratique. Il avait étudié la littérature à la fac avant la guerre. Quand l'université avait fermé, il était venu nous voir. Son visage était dissimulé sous une capuche. Et il portait un pantalon kaki usé avec une chemise décolorée qui semblait être repassée quotidiennement. Il ne se découvrait jamais la tête. Quand Murph et moi lui avons demandé pourquoi, il avait tendu son index et tracé une ligne au niveau de sa gorge. Ils me tueront s'ils savent que je vous aide, ils tueront toute ma famille. Plié en deux, Murph arriva de l'autre côté du toit où il était allé aider Sterling et le lieutenant à installer la mitrailleuse après notre arrivée. En le regardant se déplacer, j'eus l'impression que l'étendue plate du désert le mettait mal à l'aise. Comme si les contreforts dans le lointain rendaient plus insupportable encore la végétation desséchée de la plaine. Murph, c'est ici que Malik a fait les 400 coups quand il était petit. Regarde, de l'autre côté du champ. Où ça? Un peu plus loin, aux abords de la ville, il y a un verger. Là où les feux brûlent, dans les tonneaux en acier. Oui, je vois. Madame Al-Sharifi plantait ses jacinthes dans ce champ. Bouge pas les bras comme ça, mon grand, mais tu vas te faire repérer, là. C'était une vieille veuve un peu timbrée. Les femmes du quartier étaient tellement jalouses de ses fleurs qu'elles l'ont même accusée d'avoir recours à la magie pour qu'elle pousse aussi bien. Toutes ces fleurs ont cramé pendant les combats l'automne dernier. Elle n'a pas essayé de les replanter cette année. Mon pote, fais gaffe, hein. Tu vas te prendre une balle, hein, si tu te baisses pas. Dommage que vous n'ayez pas vu ces jacinthes. Il se tut brusquement. J'avais du mal à imaginer la vie ici. Pourtant, nous avions patrouillé dans les rues dont parlait Malik et bu du thé dans les petites cabanes en terre. Les mains aux veines délicatement dessinées des hommes et des femmes âgées qui vivaient là avaient tenu les miennes. C'est alors que ça commença. Comme si le basculement d'un moment à l'autre suivait sa propre trajectoire. Quelque chose d'à la fois ponctuel et éternel, tels les nombres que l'on peut diviser à l'infini. Les balles traçantes fusaient des bâtiments de l'autre côté du champ. Nous les entendîmes déchirer l'air autour de nous et claquer sur la terre cuite et le béton. Il y avait bien plus de projectiles que d'éclairs de lumière rouge. Nous ne vîmes pas mourir Malik, mais son sang éclaboussa nos uniformes. Malik. Lorsque nous reçûmes l'ordre de cesser le feu, nous regardâmes par-dessus le muret. Il gisait au sol dans une mare de sang. Pendant ce temps, à Wilmington, en Caroline du Nord, un vétéran de la guerre d'Irak se souvient. Quand j'étais pas en compagnie du reste de la section, j'étais assis sur le canapé avec Vicar à regarder les matchs de baseball que Cheryl avait enregistrés pour moi. Parfois, Cheryl et moi, on parlait de ces 7 mois, des femmes dont les maris étaient partis en mission, de sa famille, de son boulot, de son patron. Parfois, elle me posait de petites questions. Parfois, je lui répondais. Et même si j'étais content d'être rentré au pays, même si j'avais détesté les 7 derniers mois, même si la seule chose qui m'avait permis de tenir le coup, ça avait été les Marines de ma section et la pensée du retour. Peu à peu, j'ai eu comme l'impression d'avoir envie d'y retourner. Parce que, merde, fait chier tout ça. Tous les soirs, Vicar et moi, on regardait la télé sur le canapé en attendant que Cheryl rentre de son boulot au Texas Roadhouse. Vicar dormait la tête sur mes genoux, se réveillant chaque fois que je tendais la main pour lui donner de petits morceaux de salami. Le vétérinaire avait dit à Cheryl que c'était mauvais pour lui, mais il avait bien droit à quelque chose de bon. Souvent, quand je le caressais, je touchais une de ses tumeurs, et ça devait lui faire mal. On avait l'impression que tout lui faisait mal. Remuer la queue, manger sa pâtée, marcher, rester assis. Et quand il vomissait, ce qui arrivait un jour sur deux, il avait des haut-le-cœur, comme s'il était en train de s'étrangler, accélérant pendant une bonne 20 secondes avant que quelque chose ne sorte. Ce qui m'inquiétait, c'était le bruit. Ça me faisait rien de nettoyer le tapis. Et puis Cheryl rentrait et elle nous regardait en secouant la tête. Eh ben, vous faites une belle équipe tous les deux. Quelqu'un a dit « La guerre, c'est 99% d'ennui absolu et 1% de terreur pure. » Il n'a pas été marine en Irak, lui. Sur la route, j'étais effrayé en permanence. C'était peut-être pas de la terreur pure. Ça, c'est quand l'engin explosif improvisé explose. Mais une sorte de terreur secondaire qui se mêle à l'ennui. Donc, c'est plutôt 50% d'ennui et 49% de terreur ordinaire, qui n'est autre que le sentiment général que vous pourriez mourir à tout instant, et que tout le monde, dans ce pays, veut vous tuer. Et puis, bien sûr, il y a ce 1% de terreur pure, quand le rythme de votre cœur s'emballe, que votre vision se resserre, que vos mains deviennent blanches, et que votre corps tout entier se met à bourdonner. Vous êtes incapable de penser. Vous êtes plus qu'un animal, exécutant les gestes qu'on vous a appris à faire. Ensuite, vous retournez à votre terreur ordinaire. Vous redevenez humain. Vous vous remettez à penser. Voilà une expérience. Votre femme vous emmène faire des achats à Wilmington. La dernière fois que vous avez marché dans une rue, votre gars en pointe avançait sur un côté de la route, observant devant lui et scrutant les toits de l'autre côté. Et le marine derrière lui observe les fenêtres des étages supérieurs des bâtiments. Le marine derrière lui s'occupe des fenêtres situées un peu plus bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vos hommes couvrent complètement le niveau de la chaussée. Et puis, le marine qui ferme la marche surveille vos arrières. Dans une ville, il y a 1 million d'endroits d'où on peut vous tuer. Au début, ça vous fait flipper, mais vous faites comme on vous l'a appris à l'entraînement. Et ça marche. À Wilmington, vous n'avez pas de section avec vous. Vous n'avez pas d'équipier, vous n'avez même pas d'arme. 10 fois, vous sursautez, vous cherchez votre arme et elle n'est pas là. Vous êtes en sécurité. Alors, votre niveau de vigilance devrait être au vert. Mais il l'est pas. Au lieu de ça, vous êtes coincé dans un magasin American Eagle Outfitters. Votre femme vous tend des vêtements à essayer et vous entrez dans la minuscule cabine. Vous fermez la porte et vous avez plus envie de l'ouvrir. À l'extérieur, il y a des gens qui passent devant les vitrines sans s'en faire. Des gens qui n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Fallujah, où 3 gars de votre peloton ont été tués. Des gens qui ont vécu toute leur vie avec un niveau de vigilance au vert. Ceux-là ne s'approcheront même jamais de l'orange. Vous pouvez pas connaître ça. Jusqu'au jour où, pour la première fois, vous êtes pris dans une fusillade, ou un truc que vous avez pas remarqué explose, et vous vous rendez compte que la vie des autres, de tous les autres, dépend de votre capacité à ne pas merder. Et que vous dépendez des autres. Il y a des types qui grimpent directement au rouge. Ils y restent pendant un moment, et puis ils s'écrasent. Ils retombent en dessous du vert. Plus bas que le niveau, j'en ai rien à foutre de mourir. La plupart des autres restent à l'orange, en permanence. Vous voulez savoir ce que c'est que l'orange ? Vous ne voyez plus et vous n'entendez plus comme avant. La chimie de votre cerveau change. Vous saisissez tous les détails de votre environnement, absolument tous. Je pouvais repérer une pièce de 10 cents à 20 mètres de distance dans la rue. J'avais des antennes qui se déployaient sur tout le pâté de maison. J'ai du mal à me rappeler exactement la sensation que j'éprouvais. Je pense que vous saisissez trop d'informations à stocker. Alors, vous oubliez. Vous libérez de l'espace dans votre cerveau pour pouvoir saisir tout ce qui, dans l'instant d'après, pourrait vous garder en vie. Et vous oubliez ce moment-là aussi, pour vous concentrer sur le suivant. Puis le suivant. Puis le suivant. Pendant 7 mois. C'est ça, l'orange. Et puis, vous allez faire des courses à Wilmington, sans armes. Et vous vous imaginez que vous pouvez redescendre au vert. Putain, ça va prendre un sacré bout de temps avant que vous puissiez retrouver le vert. À la fin, j'étais dans un état de tension extrême. Cheryl m'a pas laissé prendre le volant pour rentrer et j'aurais roulé à 160. Et quand on est arrivé, On a vu que Vicar avait encore vomi, juste à côté de la porte. Je l'ai cherché et il était là, sur le canapé, essayant de se mettre debout sur ses pattes tremblotantes. Bordel, chérie. Il est temps, nom de Dieu. Tu crois que je le sais pas? Regarde en quel état il est. Je l'emmènerai chez le vétérinaire demain. Non. Je vais m'en occuper. T'as l'intention de donner une centaine de dollars à un enfoiré pour qu'il tue mon chien? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est à moi de le faire. Elle me dévisageait avec cet air qui me désarmait. Plein de douceur. J'ai tourné la tête vers la fenêtre, regardant dans le vide. Tu veux que j'aille avec toi? Non. Non. Comme tu veux. Mais ça serait mieux. Allez, viens. Viens là, mon pépère. Viens. Elle s'est approchée de Vicar. S'est penchée vers lui et l'a serrée contre elle. Ses cheveux sont retombés sur son visage et je pouvais pas voir si elle pleurait. Elle s'est redressée, puis elle est allée dans notre chambre et a refermé la porte doucement. Je me suis assis sur le canapé et j'ai gratté Vicar derrière les oreilles et j'ai imaginé un plan. Pas un bon plan, mais un plan tout de même. Parfois, c'est suffisant. Pas loin de chez moi, il y a un chemin de terre avec un ruisseau un peu à l'écart. Et quand le soleil se couche, l'endroit est éclairé d'une lumière tamisée. C'est joli. Avant, j'allais y courir de temps en temps. Je me suis dit que ce serait un bon endroit pour faire ça. C'est tout près, en voiture. On y est arrivé juste au coucher du soleil. Je me suis garé à proximité de la route. Et je suis sorti. J'ai pris mon fusil dans le coffre et j'ai passé la bandoulière sur mon épaule avant d'aller côté passager. J'ai ouvert la portière. J'ai soulevé Vicar dans mes bras et je l'ai porté jusqu'au bord du ruisseau. Il était lourd et tout chaud et il me léchait le visage tandis que j'avançais, me donnant les coups de langue nonchalants et paresseux d'un chien qui a été heureux toute sa vie. Quand j'ai fait un pas en arrière, après l'avoir posé par terre, il a levé les yeux vers moi. Il a remué la queue. Et moi, je suis resté figé sur place. Il y a une blague que les marines se racontent. Une mauviette de journaliste de gauche essaye de saisir le côté émotionnel de la guerre. Et il demande à un tireur d'élite des marines. Quel effet ça fait de tuer un homme? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pressez la détente? Le marine le regarde et répond d'un mot. Le recul. Ce n'est pas exactement ce que j'ai ressenti en tirant. J'ai ressenti une sorte d'intense excitation. Est-ce que je tire? Ils sont en train de s'enfuir. La détente était là, ne demandant qu'à être pressée. Les moments qui se résument à « est-ce que j'appuie sur ce bouton ?» ne sont pas légion dans la vie. Je ne pensais plus beaucoup à Malik par la suite. Il n'était qu'un personnage secondaire dont l'existence et la disparition ne faisaient que confirmer que j'étais encore en vie. Il n'y avait pas de balle qui m'était destinée. Nulle bombe ne nous était promise. N'importe laquelle nous aurait tués exactement comme elles ont tué les autres. Il n'y avait pas d'heure ni de lieu prévu pour nous. Je ne pense plus à ces quelques centimètres à gauche ou à droite de ma tête, ou à ces quelques kilomètres-heure de différence qui nous auraient placés précisément là où la bombe avait explosé. Cela ne se produisit jamais. Je ne suis pas mort. Rien ne faisait de nous des êtres d'exception, ni le fait de vivre, ni celui de mourir, ni même celui d'être ordinaire. Pourtant, j'aime penser qu'il restait en moi une once de compassion et que, si j'avais eu l'occasion de voir ces jacinthes, je les aurais remarquées. Je ne fus pas choqué en voyant le corps de Malik écrasé et brisé au pied du bâtiment. Murph me tendit une cigarette et nous nous allongeâmes à nouveau le long du mur. Mais je ne cessais de penser à une femme que la conversation avec Malik avait rappelée à mon souvenir et qui nous avait servi du thé dans de petites tasses ébréchées. Le souvenir était très lointain, enseveli dans la poussière, attendant d'être déterré. Je me rappelais comme elle avait rougi et souri, et comme il lui était impossible de ne pas être belle, malgré son âge, ses rondeurs, ses quelques dents abîmées et sa peau desséchée, telle la terre craquelée dans la chaleur de l'été. Et puis j'ai pensé à Cheryl, amenant Vicar chez le vétérinaire. Un étranger en train de poser les mains sur mon chien. Alors je me suis dit, il faut que je le fasse. C'était pas un fusil de chasse que j'avais, mais un AR-15. Identique en fait au M16 avec lequel j'avais été formé. Et on m'avait appris à faire les choses correctement. Viser, contrôler la détente, contrôler sa respiration. Fixer le cran de mire en acier, pas la cible. La cible doit être floue. J'ai fixé Vicar, puis le cran de mire. Vicar a disparu dans un flou grisâtre. J'ai enlevé la sécurité. Il fallait tirer 3 fois. C'est pas simplement j'appuie sur la détente et c'est terminé. Il faut faire les choses correctement. 2 balles dans le corps, 1 dernière dans la tête, précisément. Il faut tirer les 2 premières rapidement, c'est très important. Votre corps est constitué d'eau pour l'essentiel. Et quand une balle le traverse, c'est comme une pierre lancée dans un étang, ça fait des ondulations. Lancez une 2e pierre tout de suite après la première, vous verrez comment l'eau est agitée entre les 2 endroits où elles ont frappé la surface. La même chose se produit dans votre corps. Surtout quand il s'agit de 2 balles de 5,56 qui vous percutent à des vitesses supérieures à celles du son. Ces ondes de choc sont capables de déchiqueter certains organes. Si je devais tirer 2 balles sur vous, 1 de chaque côté du cœur, 1 première balle, puis 1 autre, vous auriez les 2 poumons perforés, 2 blessures aspirantes à la poitrine. Bon, évidemment, vous êtes foutus, mais vous allez rester en vie assez longtemps pour sentir vos poumons se remplir de sang. Si je tire 2 balles au même endroit, mais très rapidement, pas de problème. Les ondes de choc vont vous déchiqueter le cœur et les poumons. Vous agonisez pas, vous mourrez, tout simplement. Il y a un choc violent, mais aucune douleur. J'ai pressé la détente. J'ai senti le recul. Et j'ai fixé la mire, pas Vicar, à 3 reprises. 2 balles lui ont perforé la poitrine, et 1 autre s'est logée dans son crâne. Et elles l'ont frappé rapidement, trop rapidement pour qu'il sente quelque chose. C'est ainsi que ça doit être fait. Chaque balle venant immédiatement après la précédente, pour que vous ne puissiez même pas essayer de récupérer, parce que c'est là que ça fait mal. Je suis resté là un moment, fixant toujours la mire. Vicar n'était qu'une masse floue, grise et noire. La lumière déclinait. J'arrivais pas à me souvenir de ce que j'allais faire du corps. C'était La guerre dans la peau, en direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Texte choisi par Michel Pomared, extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. Avec Quentin Bayot, Mustapha Abourachid, Eric Herson-Macarel, Johanna Nizar, Florent Houlier, Yvon Martin, Pauline Ziadé et Maya Bokeh. Musique originale et conception sonore, Dominique Massa. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Mathieu Nombeau-Poati. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux, Lélio Ploton. Réalisation, Pascal Deux. Les textes sont extraits de Yellow Birds de Kevin Powers, traduit par Emmanuel et Philippe Aronzon, publié aux éditions Stock, et de Fin de mission de Phil Clay, traduit par François Happ, publié aux éditions Gellmeister. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.